Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes à nouveau ensemble pour regarder le livre de l'Apocalypse. Et nous sommes rendus déjà au chapitre 12, donc plus que la moitié du livre de faits. Commençons par un mot de prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous te remercions pour ce livre qu'on appelle la Bible, parce qu'il contient ta pensée, il contient tes paroles, il contient une description de toi, de ton Fils Jésus, il contient le plan du monde, le plan de l'avenir, il nous annonce le début du monde, il nous annonce la fin du monde. Donc, c'est un livre tellement important pour pouvoir te connaître et te servir, t'adorer, te louer. Dirige-nous en regardant ce chapitre 12. Seigneur, puisses-tu accomplir en nous par ton Esprit Saint le but que tu avais quand tu as cité ce, si je peux dire ainsi, ce chapitre à Jean. C'est au nom de ton Fils que nous te prions. Amen. Permettez-moi de résumer un petit peu. L'Apocalypse est un livre que Dieu a écrit par la main de Jean, l'apôtre Jean, et l'apôtre Jean a reçu le message de la part de Jésus qui avait envoyé son ange pour parler à Jean. Et le livre nous parle du temps de Jean jusqu'à aujourd'hui. Il nous parle de l'avenir de l'Église et l'avenir du monde. Et la raison pour laquelle nous avons vu qu'il avait été écrit, c'est parce que l'Église était en train de vivre quelque chose et elle avait besoin d'entendre de la part de Dieu certaines vérités. Pourquoi est-ce que Dieu aurait-il attendu 70 ans après la mort de Jésus, ou à peu près, pour écrire ce livre? Pourquoi a-t-il laissé passer une ou deux générations avant que le livre soit écrit? Il faut bien se dire que la première génération n'a pas lu l'Apocalypse. Des fois, on n'est pas conscient de cela. Et même la deuxième génération de chrétiens n'a pas lu non plus l'Apocalypse. Parce qu'on est 40 ans après les premières, 40, 50 ans après la première conversion, après le départ de Jésus. Donc, il reste peut-être pas beaucoup de personnes vivantes qui ont connu les apôtres. Jean est le plus vieux parmi eux. Donc, Jésus s'adresse à l'Église existante dans ce temps-là, et on a vu ensemble, selon ma compréhension, qu'il veut produire trois choses. La persévérance envers Dieu et envers Jésus, envers l'Évangile, qui, cette persévérance, va produire une continuelle adoration de Dieu et de Jésus. Il veut produire aussi la repentance. Et je crois qu'il veut produire la repentance d'abord dans l'Église, parce que le livre va être donné à l'Église. Et c'est un peu spécial, parce que d'habitude, on prêche la repentance aux inconvertis, mais là, elle est dans l'Église qu'elle a besoin de se repentir. Et c'est pour ça que Jésus va dire presque à toutes les Églises, « Repens-toi, repens-toi, repens-toi. Si tu te repens pas, les conséquences vont être éternelles de jugement. Tu n'as pas le droit à l'arbre de vie. Tu n'as pas de nom nouveau. Tu n'entres pas dans le temple de Dieu. Tu vas être vomi. Je vais te détruire avec l'épée de ma bouche. C'est des conséquences très fortes. Et égales au reste du monde qui se sont pas repentis. Je crois que, en même temps que l'Église va recevoir et persévérer, et ceux qui vont se repentir au message de ce livre vont être capables aussi de le transmettre aux autres après, croyants ou non-croyants. Donc, voyons-le comme cela, pour se faire encourager à persévérer dans la vérité, et selon ce que dit Jésus aux églises, si besoin est dans votre vie ou dans votre église de se repentir, faisons-le, car sans la repentance, il n'y a pas de salut possible. Ensuite, on a vu que Jean est adressé pour dire, viens ici, je vais te dire qu'est-ce qui va arriver dans la suite des temps. Et là, on a l'ouverture des sceaux du petit livre que l'agneau a pris de la main de Dieu. Et ces sceaux-là, on a vu ensemble que c'est Jésus démarque son autorité et le contrôle qu'il a sur les événements du monde dans lequel nous vivons. Autant ce qu'on des fois nous on appelle positif que négatif. Ensuite, on a vu que il dit au chapitre 6 et au chapitre 7, ne bougez pas, ne faites pas de mal à la terre et on doit marquer ceux qui sont appelés de Dieu. Il dit à ceux qui sont sous autel, pas tout de suite la vengeance, le compte n'est pas complet. Ensuite, il dit aux anges, ne faites pas de mal à la terre et à la mer, avant qu'on ait fini de marquer les élus de Dieu, ceux qui ont le sceau de Dieu, ceux qui doivent avoir le sceau de Dieu sur leur front ou sur leurs mains. Quand ça c'est fini, on arrive au chapitre 8, et là, moi, je dis, c'est la fin de la grâce. Si tout le monde a été marqué, c'est la fin de la grâce, elle n'est plus à marquer. Et ceux qui sont marqués, c'est ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Donc, si sont tous marqués, si le compte est complet, c'est que le temps de la grâce est terminé. Et là, au chapitre 8, nous commençons les 7 trompettes qui vont amener la destruction ou la manifestation de la colère de Dieu, qui va détruire le tiers de tout ce qui existe, autant homme que bête, que terre, que poisson, que tout ce qui existe. Et on a vu ensuite l'arrivée des malheurs, au chapitre 9. Premier malheur, les sauterelles qui font souffrir la terre pendant 5 mois. Deuxième malheur, les chevaux qui font mourir le tiers des hommes. Là, il y a un petit intervalle pour le petit livre qui est en train de dire, il n'y a plus de délai, c'est terminé, la fin est arrivée. Et au chapitre 11, on a vu les 2 témoins qui annoncent cela, cet évangile éternel de l'arrivée du jugement de Dieu qui va être proclamé par toute la terre. Et les témoins, on a vu, vont tourmenter la terre pendant une période de temps. Et ensuite, on arrive au chapitre 12. Mais à la fin du chapitre 11, il dit que la 7e trompette a sonné. Et le message qui est clair, qui sort de ces quelques derniers versets du chapitre 11, c'est terminé. La colère de Dieu va s'abattre d'une façon complète, totale, sur la race humaine, à travers les 7 coupes. Mais avant, il doit arriver le 3e malheur. Un malheur encore pire que les 2 premiers. Qu'est-ce qui peut être pire que des démons qui sortent de l'abîme et qui font souffrir les hommes et qui font mourir les hommes? C'est ce que nous allons voir ce matin, ce 3e malheur qui va surgir sur la terre et accabler ceux qui ne sont pas marqués du sceau de Dieu, qui va accabler ceux qui ne sont pas élus, qui ne sont pas les compagnons de service de ceux qui sont déjà dans le ciel. Donc, c'est ce que nous allons prendre le temps

Et il sait que quand l'enfant va naître, il va être là présent pour faire quoi? Pour détruire cet enfant. Il veut détruire l'enfant. Il veut faire mourir l'enfant. Donc, cette femme-là va, est sur la terre, parce que le dragon descend du ciel, il vient sur la terre, au verset 4, hein, il jette sur la terre, lui et ses anges, ses démons, ils viennent sur la terre. Parce que l'enfant, c'est là qu'il va naître, cet enfant-là. Et, c'est pas ça avait déjà réalisé, mais quand Jésus est né et qu'il est venu sur la terre, il y a eu une inondation, si je peux dire ça comme cela. Satan est venu à plusieurs reprises lui-même pour faire tomber Jésus, pour vaincre Jésus. Et on voit dans cette période-là, à peu près une cinquantaine d'années, alentour de la vie de Jésus, une multiplication de possessions démoniaques. Jamais dans l'Ancien Testament, on n'entend parler vraiment de cela. Mais quand Jésus est sur la terre, il y a des possessions démoniaques multiples, par milliers. Et même, on voit un homme qui possède des milliers de démons en lui. Ça fait penser à ça, moi. Je crois que c'est toute une des vérités, là. Satan, il vient, puis ce qu'il veut, c'est détruire l'enfant dès son arrivée. Pourquoi est-ce qu'il veut le détruire, cet enfant-là? Qu'est-ce qu'il y a de spécial, cet enfant-là? Il doit paître toutes les nations avec une verge de fer. C'est pour ça qu'il veut le détruire, cet enfant-là. C'est lui qui va, cet enfant-là, mettre une fin aux nations. Paître avec une verge de fer, c'est pas une belle image. C'est pas les belles images d'un berger qui s'accanne avec un petit mouton sur le dos. C'est que cet enfant-là a un destin, c'est d'emmener la fin des nations. Ça va un peu avec le psaume 2. Demande et je te donnerai les nations en héritage. Et tu les paîtras avec une verge de fer. Puis le psaume 2 dit, repentez-vous, parce que s'il vous frappe de son verge de fer, ça va être votre perdition. Donc, Satan veut détruire cet enfant-là. Mais le texte nous dit au verset 5 qu'il fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc, Satan ne réussit pas à le détruire. Il ne réussit pas à l'arrêter. Et cet enfant part et monte vers Dieu et vers son trône. C'est-tu vers le trône de Dieu ou son trône à lui? Peu importe comment vous le placer, les deux sont corrects. Le trône de Dieu, c'est le trône de Jésus. Le trône de Jésus, c'est le trône de Dieu. C'est pour ça qu'au chapitre 4 et 5, on les voit toutes les deux sur le même trône. Donc, cette femme, qui moi, je pense que la meilleure interprétation, c'est Israël, et les images du soleil, de la lune, c'est souvent employé dans l'Ancien Testament pour démontrer cela avec Joseph, qui a eu un soleil, une lune, des 12 gerbes de blé, qui l'ont adoré, ce Joseph-là, pas adoré, mais se sont courbés devant pour le servir. Donc, c'est une image d'Israël qui va donner naissance à l'enfant. Je pense que c'est peut-être la meilleure interprétation. Mais le plus important, c'est de comprendre que l'enfant qui est né, c'est lui qui va mettre une fin à la folie des nations. C'est lui qui va mettre une fin à ce monde tel qu'on le connaît. Mais il y a un laps de temps entre sa première venue et sa deuxième venue. Il vient la première fois, le dragon veut le détruire jusqu'à la croix. Jésus dit non, c'est moi par la croix qui va te vaincre. Et il part. Et on va le voir en revenir un peu plus loin, cet enfant-là. Il va revenir en tant que le roi. Et là, il dit au verset 6 et 7 que la femme, elle, s'enfuit dans le désert où Dieu avait préparé pour elle un lieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Donc, il y a une réaction de la part de Dieu Parce que Dieu sait que le dragon va s'en prendre, on l'a vu un peu, en le lisant tout à l'heure un peu plus loin, va s'en prendre à la femme et à sa prospérité. Donc Dieu va s'amancher, comme il s'amanche toujours, comme il fait toujours, pour protéger son peuple, pour protéger la femme et la prospérité de la femme. Donc, au verset 7 et 8, il y a quelque chose qu'on n'est pas habitué de voir ou de penser, c'est qu'il y a une guerre entre Michel et ses anges et Satan et ses anges, ou le dragon et ses anges. Il y a une guerre qui se passe dans une autre dimension spirituelle. Une guerre entre les mauvais anges et les bons anges. Mais l'important de comprendre, ce n'est pas de tout analyser ça, de tout savoir comment ça se passe, mais l'important, c'est de savoir que Michel est plus fort que Satan avec ses anges. C'est lui qui gagne la guerre. Pendant ce temps où la femme est protégée, Michel va avoir une lutte contre Satan et ses anges. Et c'est lui qui va vaincre. Et il va prendre Satan et tous ses anges et il va les jeter sur la terre. Il dit au verset 10, « J'ai entendu du ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Donc, pendant la période que Satan a encore accès au ciel, il accuse les croyants. Et cette période-là, c'est terminée. C'est pour ça que je vous dis que pendant ce temps-là, le temps de la grâce est terminé. Parce que tout ce qui se passait pendant la grâce arrête. Pendant le temps de la grâce, Satan accusait les élus de Dieu, les enfants de Dieu, mais maintenant, il ne peut plus les accuser. C'est terminé ce temps-là. Satan est pris, il est précipité sur la terre avec ses démons, avec ses anges, et ça va être bientôt la prise de possession par Dieu de son règne. Et c'est là qu'il dit au verset 12, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. » Donc, pour le ciel, c'est un temps de joie. Il n'y a plus de Satan et de mauvais anges qui sont là. C'est terminé leur présence dans le ciel. On est surpris, surtout pour les gens de mon âge et entour, hein. Nous, pour nous autres, Satan n'était pas dans le ciel. Satan était dans l'enfer avec ses démons. Mais dès les premiers livres de la Bible avec Job, on voit que Satan parle avec Dieu. Dans le ciel. Et Satan a cette capacité d'aller dans la présence de Dieu et de parler avec Dieu. Il semble pas avoir de séparation en partie entre les démons et les bons anges, parce qu'ils font la guerre les uns contre les autres. Il semble pas avoir de différence entre la place où ce que Dieu est, Jésus est, et le Satan, parce qu'il est là pour accuser les frères. C'est ça qui me semble ici. Mais c'est dur pour nous autres d'expliquer ça parce que c'est dans un monde spirituel qu'on ne connaît pas. Comment ça se passe? C'est pas facile d'interpréter pour nous. Mais ce que le texte nous dit ici, c'est pendant un temps, ils se côtoient. Et là, il y a un moment donné dans l'histoire du monde qu'ils ne se côtoieront plus. Et Satan va être jeté sur la terre. Et là, il dit, malheur à la terre et à la mer. Voilà le troisième malheur. Il y a un vieux dicton québécois qui dit « C'est l'enfer sur la terre. » Mais là, je vous dis, ça va être le plus proche de l'expression, ça. Satan, avec ses démons, sont sur la terre. Et il est dans une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, entre sa venue sur la terre et le commencement du règne, il y a peu de temps. Le temps ne semble pas avoir la même dimension que pour nous, n'est-ce pas? Jésus dit, je reviens bientôt, et ça fait déjà 2000 ans. Donc, il faut faire attention d'interpréter le temps dans les Écritures. L'apôtre Pierre exhorte les chrétiens à faire attention parce qu'il dit qu'un jour est comme 1 000 ans et 1 000 ans est comme un jour. Donc, il dit, faites attention dans votre interprétation du retour du Seigneur. Il ne tarde pas. Le temps n'est pas la même pour le ciel et tout ce qui se passe là et nous sur la terre. Mais l'important de saisir afin d'être être encouragé à persévérer, c'est qu'il y a un temps où ça va être terminé, l'accusation des enfants de Dieu. Et pendant que Satan est sur la terre, que va-t-il faire? Verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle avait nourri un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Donc, si la femme c'était Israël, ici, il y a la femme qui va être aussi attaquée d'une façon très spéciale. Moi, je dis personnellement, vous avez le choix de faire d'autres façons de voir. Moi, ici, je vois que Israël, maintenant, parce que si c'est Israël qui a enfanté le Messie, l'enfant roi, maintenant, dans la nouvelle alliance, Israël, c'est la nouvelle Israël, c'est l'Église, c'est les vrais Juifs, maintenant. Cette femme-là, je crois, c'est l'Église. Vous avez dit, mais François, as-tu le droit de faire ça? Je pense que oui, parce que en la venue du premier, de l'enfant et de sa seconde venue, il y a un changement d'alliance. Le Messie va naître dans l'ancienne alliance, et maintenant, quand Satan va être précipité sur la terre, c'est nous sommes dans la nouvelle alliance. Il y a un changement là, qui est fait. Et je crois qu'il faut en tenir compte. Parce que sans ça fait plus de sens et ça devient plus difficile à interpréter. Donc, je crois qu'il parle ici comme le restant de l'Apocalypse. Il va s'acharner maintenant contre l'Église, contre les croyants, contre ceux qui ont retenu l'Évangile. Il va s'acharner contre ceux qui au verset 17, garde les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Donc, il s'acharne contre ceux qui ont persévéré jusqu'à date, jusque-là. Contre ceux qui aiment Jésus, comme contre ceux qui ont été marqués de Dieu. Au chapitre 7. C'est important pour nous de comprendre cela. Le dragon est irrité contre la femme et contre sa postérité. Mais il s'acharne contre l'Église, contre le peuple de Dieu. Donc, sont encore là sur la terre à ce moment-là. Et pourquoi sont-ils encore là? Et pourquoi est-ce que Satan s'acharne contre eux, il dit au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, qu'est-ce qui donne la capacité de vaincre le malin, de vaincre l'accusateur, de vaincre les démons? De vaincre Satan, c'est le sang de l'agneau. Il n'y a rien en nous qui peut vaincre le malin. Il n'y a rien dans l'être humain, il n'y a rien dans le croyant qui peut l'amener à vaincre. La seule chose qui va nous donner de vaincre, c'est le sang de l'agneau. Et la parole de leur témoignage, je veux dire qu'on témoigne, on rend témoignage que notre foi est dans le sang de l'agneau. et on va y persévérer jusqu'à la mort, si c'est ce que Dieu a pour plan pour chacun de nous. Il n'y a pas d'autre chose qui va nous faire vaincre. Il n'y a pas d'exercice chrétien, il n'y a pas d'œuvre chrétienne qui vont m'amener à vaincre le malin d'une façon quelconque. C'est pas mes prières qui vont me faire vaincre, c'est pas ma lecture de la Bible qui va me faire vaincre, c'est pas le fait d'aller à l'église qui va me faire vaincre. C'est la seule chose qui va me donner de vaincre, c'est le sang de l'agneau. Et ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau ont une marque sur le front ou sur la main droite. Et ils sont vainqueurs. Pourquoi? Parce que l'agneau est vainqueur. C'est ça qu'il faut, je crois, retenir ici. Donc, pour l'Église, qu'est-ce que Jésus leur dit ici à travers Jean? Persévère. Garde la foi en moi. Garde ton témoignage en moi. Persévère dans les commandements et dans le témoignage à Jésus. Garde la foi en moi. Ne m'abandonne pas. Ne me rejette pas pour conserver ta vie. Ne suis pas les Balaam ou les Nicolaïtes. Ne crois pas aux doctrines de démons ou de Jézabel. Garde ta robe blanche. Achète de l'huile de l'or pur et un collier pour laver tes yeux. Afin d'être avec lui jusqu'à la fin. Ou bon, non, il dit, repens-toi. Si tu te repens, toi aussi, tu vas être parmi ceux qui vont vaincre. Vous savez, frères et sœurs, j'ai déjà dit, mais je le répète encore. La longueur de temps que tu as été croyant changera rien. Des fois, j'ai l'impression que les croyants ont peur de s'évaluer pour regarder s'ils sont dans la foi. C'est comme si sont chrétiens depuis plus longtemps, ça va être mieux devant le Seigneur. Ben non. Ce qui va faire que je vais vaincre l'accusation de Satan. Satan ne va pas m'accuser d'avoir fumé du pot. Satan ne va pas m'accuser d'avoir compté une menterie à mon épouse. Satan, ce qu'il veut, c'est de me faire décoller de la vérité. Ce qu'il veut amener l'Église à faire, c'est de s'éloigner de Jésus-Christ. C'est de transformer lentement l'Évangile. Qui finalement, l'Évangile n'est même plus prêché dans l'Église. Oh, j'ai écouté dernièrement une Église où il y avait eu une vingtaine de baptêmes. Et personne, je vous dis bien, j'ai écouté comme il faut, personne ne parler de repentance. Personne. Oh, ils ont reconnu qu'ils étaient pécheurs, mais la repentance, c'est pas ça. Si tu crois que c'est ça, tu te trompes. La repentance, c'est beaucoup plus que de reconnaître qu'on est pécheur. Toutes les religions du monde reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Le péché qu'on fait chaque jour, c'est l'expression de quelque chose de plus profond. Une demi-évangile n'est pas suffisant. Ça plaît à Satan des demi-évangiles. Parce que pour lui, une demi-évangile n'est pas l'évangile, donc les gens ne sont pas sauvés. Les gens ne sont pas régénérés. Les gens ne sont pas des serviteurs de Dieu, des compagnons de service. Ils ne sont pas des esclaves de Jésus-Christ avec une demi-évangile. Et c'est ce que nous voyons dans l'histoire d'Église. Satan, ce qu'il fait, c'est tranquillement, par toutes sortes de moyens, il essaie d'emmener l'Église à se détourner. Et finalement, l'Église qui se dit chrétienne prêche un Jésus qui n'est plus le vrai Jésus prêché par les apôtres. Il parle de Jésus. Mais c'est un Jésus bonasse, c'est un Jésus ami, chum, c'est un Jésus qui est là pour nous afin qu'on soit riche et en santé. C'est un Jésus qui est là parce qu'il nous aime tellement, on est pécheurs, mais on est tellement gentils dans le fond. Mais attention, Jésus, ce n'est pas ça. Jésus, selon l'Apocalypse, dit, c'est lui qui a sauvé un peuple de sacrificateurs pour le service de son Père. L'Évangile, c'est pour me rendre capable de servir Dieu dans son temple éternel, spirituel. Que le Seigneur nous amène à comprendre ça. Il dit, si vous êtes de ceux qui gardez la foi au risque de votre vie, moi, Dieu, je vous dis que je vais vous protéger. Moi, Dieu, je vous dis que je vais vous garder de la colère du dragon. Je vais protéger la femme et sa postérité. Je vais protéger ceux qui ont la marque sur le front. Je vais protéger ceux qui m'appartiennent. Je vais protéger ceux qui gardent le témoignage en Jésus. Satan ne vous touchera pas. Comme il avait dit, les démons sauterelles ne vont pas vous piquer. Les chevaux serpents avec la queue de serpent ne vont pas vous faire mourir. Satan va venir pour vous en colère contre vous, mais je vais vous protéger. Je vais protéger la femme et sa postérité. Il ne va pas vous détruire, ni maintenant, ni jamais. Il ne faut pas penser que ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu ici, les autres vont se la couler douce. Oh non! Satan va les prendre et va emmener leur folie au comble. On va voir ça au chapitre 13 et 14. Il va emmener leur folie à son comble. Ils vont se lever contre Dieu. Ils vont se lever contre l'Église. Ils vont être tellement aveuglés et séduits par le dragon et ses anges qu'ils vont adorer la bête. Ils vont faire la guerre aux saints jusqu'à vouloir les vaincre. Donc, Satan va utiliser les autres êtres humains pour faire la guerre à la femme et à la postérité. Et ça va être vraiment l'enfer sur la terre. Parce que la Bible dit, on a vu au verset 12, malheur, oh malheur à la terre et à la mer. Parce que le dragon, il va se déchaîner comme il ne s'est jamais déchaîné. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Notre Père du ciel, merci de nous encourager encore ce matin. Tu vas, toi, protéger les tiens. Tu vas, toi, garder les tiens contre l'accusateur, contre le dragon, contre le serpent, contre Satan, contre les démons. Tu vas, t'es plus fort qu'eux autres. T'es plus puissant qu'eux autres. Et tu vas prendre possession de ton règne avec la femme, avec la postérité de la femme, avec ceux qui ont gardé le témoignage. Tu vas régner avec eux. Satan ne pourra jamais anéantir tes enfants. Seigneur, même si la mort vient, la mort spirituelle ne viendra jamais pour nous. La mort physique ne dure qu'un instant, mais ceux qui vont subir la mort spirituelle, ça va être pour l'éternité. Ô Seigneur, donne-nous, dans ta grâce, d'être fortifiés par ces vérités. Et ceux, Seigneur, qui ont besoin de se repentir. C'est toi. On se confie en toi. C'est toi qui vas convaincre. C'est toi qui vas convaincre. Tu vas convaincre ceux qui ont pensé que tu étais leur serviteur. Qui se sont tournés vers toi parce qu'ils ont cru que tu étais leur serviteur. Aide-leur, Seigneur, à comprendre qu'ils doivent se repentir de cette folie, car tu n'es pas le serviteur des hommes. Oh, en Jésus, tu l'as été, afin de sauver un peuple de serviteurs. pour te servir et t'adorer. Conduis-nous, Seigneur, et donne-nous de présenter un évangile vrai, que ce soit dans l'Église ou dans le monde, afin que tu sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen.